J'ai truqué des contrats, j'ai financé des partis politiques, j'ai corrompu des fonctionnaires, mais le système était fait de telle façon que si je voulais travailler, j'avais pas le choix. Non seulement il est plus populaire que le Parti québécois, il est également pas mal plus crédible qu'un sondage léger marketing. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vaudier! Bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre du saut en parachute de Félix Baumgartner, hein? Le seul être humain à avoir franchi le mur du son en chute libre, à part Véronique Yvon là, récemment. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, là, pour Madame Yvon, là, c'est pas vraiment une chute, elle est sortie parce qu'elle est enceinte. Wow, c'est une bonne nouvelle, mais une grossesse au PQ, ça doit être rétroactif, cette affaire-là. Ouais, je pense que oui. D'après moi, elle avait accouché hier matin. Oh, elle l'a déjà, là. Ouais. Ah, mais c'est ça. Hey, non, mais c'était quelque chose, hein, le saut de Baumgartner quand même. Hein. Ah ouais. Hey, incroyable. Non, franchement, moi, je me suis senti comme nos parents se sont sentis quand Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune, mais à l'envers. Ouais. Hein? Non, mais c'est tu peux pas croire qu'on a enfin réussi à envoyer un homme sur la Terre. Non, mais faut le faire. C'est incroyable ce que l'homme est prêt à faire pour repousser ses limites. Ouais, surtout pour nous vendre du jus de guarana en cacane. Oui, et puis, moi, vous le dire, hein, ça en prenait du Red Bull pour toffer les 3 heures de montée de ce ballon-là. Ben oui. C'était-tu long? Ah ouais. C'était infini, cette affaire-là. En tout cas, heureusement, le temps passait plus vite à la commission Zambito cette semaine. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Les chutes libres, étaient pas pires aussi. Hein? Oui, parlant de chutes, il y a Gilles Surprenant qui a avoué qu'il avait reçu des redevances, hein, des entrepreneurs. Ben, c'est pas surprenant, finalement. Lino nous en a appris aussi des belles sur Pierre Bibeau, hein, le VP communication chez Loto-Québec, aussi organisateur de longue date du Parti libéral. Lui, il savait quoi faire avec des enveloppes brunes. Hein? Ah ouais. Ben, d'après moi, c'est sûrement Bibeau qui a pensé au concept de la poule aux œufs d'or à TVA. Moi, je pense que c'est son idée. En tout cas, grâce à lui, hein, on comprend mieux le concept du nul si découvert sur les gratteux de l'Auto-Québec. Ouais. Puis cette semaine, on découvre. Hein? On découvre. Puis c'est Lino qui gratte. Ah ouais. Puis il en gratte du gratteux. Le pouce, il chauffe. Il y a le Saint-Saëns pas mal chaud. Parlant de poule aux œufs d'or, on a aussi appris que Tony Accurso se retirait du monde des affaires. Moi, j'ai lu sa lettre de démission envoyée à ses 3500 employés. Ouais. J'ai versé une larme. Oui, hein? Ouais. Ah non, mais eux perdent un grand patron et le Trésor public perd un puits sans fond. Ouais, hein. Ouais. Ça, non, mais hey, wow! Il a pourtant dit qu'il n'y avait des personnes, hein? Il était comme Zambito, finalement. Il n'avait pas le choix de contourner le système. Quand t'as déjà 80% des contrats de voirie au Québec, me semble, t'aurais pu slacker ses extras. Ouais, non? Ben, en tout cas, ça va en prendre des extras pour acheter ses compagnies. Hein, on parle de quoi? 1 milliard de chiffre d'affaires? Un empire. Hey, me demande qui c'est qui va avoir les moyens d'acheter ça. Hein? C'est drôle, je trouve que le gouvernement devrait acheter tout ça, moi. Ah, c'est pas bête. Ouais. On pourrait nationaliser la collusion. Ben oui, comme ça, on se crosserait toute la gang. Ben oui. Ensemble. Moi, je suis capable de crosser du monde, moi. Oui, je confirme. Ouais. Merci, hein? Parlant de monde, qu'ils se font crosser ou non, là, il y a la ville de Montréal qui en a reçu pas mal du monde cet été. Enfin, une bonne nouvelle. Nouveau record de fréquentation touristique, Fred. 1,5 million de chambres d'hôtel ont été louées de juin à août. 1,5, ça, c'est malgré les révoltes étudiantes du printemps érable. Ça, c'est pas en tout ce que nous avait prisé à la Chambre de commerce puis Gilbert Rozon. Non, je pense que ce qu'il voulait dire, Fred, c'est que s'il n'y avait pas eu de terrorisme étudiant, il y aurait eu plus de 100 millions de visiteurs à Montréal. 100 millions! Écoute. 100 millions! On serait mort étouffé en dessous des retombées économiques. Hey, les deux piastres partout, poule, rempli de 5 piastres. Non, c'est... Non, mais parlant de chiffres qui veulent rien dire, Justin Trudeau qui vient d'exploser dans les sondages. Ben oui! Kaboum! Le PLC serait presque à égalité avec les conservateurs avec Trudeau comme chef. Hein? Ouais. Non, moi, je pense que ça commence à sentir le couronnement. Oui, c'est vrai. Puis Justin ferait une belle princesse en plus. Oui! C'est un peu notre Lady Di à nous. Hein? Lady Di. Ouais, Lady Di à nous. Ben, tu as plus de poils d'en face. Et il faut dire aussi que Lady Di ne boxait pas contre des sénateurs amérindiens. Non, c'est vrai, elle boxait des tunnels. Oui, bon, juste une fois. Juste une fois, puis elle a perdu. Ouais. Bon, vous aimez pas ça, les jokes de tunnels. Donc, claustrophobe. Non, mais parlant de Justin, il était au show de Barbara Streisand mercredi soir. Son père a pas joué un idylle avec elle? Ben oui, en fait, Justin, il paraît qu'il fait le tour de toutes les maîtresses de son père, au cas où il rencontrerait sa mère, on sait pas. Ouais, il paraît que pendant longtemps, il pensait que c'était Fidel Castro, sa mère. Ouais, à cause de la calotte. Ouais, ou de la barbe, je sais pas. Dans la... ouais. Ben sinon, ben, il paraît que le gouvernement fédéral investit plus de 150 millions de dollars pour protéger les ordinateurs contre les cybermenaces. Ah ouais? Oui, c'est beaucoup d'argent, ça. Et ça a commencé avec le débranchement de Denis Coderre pendant 3 jours. Eh hey boy, j'espère qu'il va bien. Hey. Ouais. 3 jours débranchés, il doit être en délirium Twitter. il file pas. Non, mais ils ont donné une dactylo en attendant. Ah. C'est un genre de méthadone. Ouais. Ça doit être calmé. Ouais, c'est un sevrage. Mais on n'a pas besoin de sevrage, nous, à l'émission, parce qu'on reçoit de grands invités encore une fois. Oui. On reçoit l'ancien chef de la DQ et premier caquiste à venir nous visiter depuis l'élection, Gérard Deltel. Ah ouais, c'est un ancien journaliste d'ici, ça? Ça me surprendrait, il serait au PQ. Ah ouais? Non. On reçoit également, qui d'autre? Louise Arel, qui est là, la sœur de Pierre. Ben là, elle fait pas juste ça, toujours. Non, elle est employée à la Ville de Montréal. Ah ouais? Et aussi chef de la première opposition. Ah d'ailleurs, faudrait demander comment on fait pour être chef d'une opposition devant rien de même. Ouais, c'est embêtant. Ben tu vois, on va avoir en masse le temps d'y demander parce que la soirée est encore jeune, tout le monde. Eh bien, merci d'être à l'écoute. Olivier Niquette, bonsoir. Bonsoir. Les internets, ça marche-tu encore, cette affaire-là? Ben oui. Les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée ou sur notre site radio, tradeunioncanada.ca/lasoirée, où ils pourront regarder l'humoriste Léopold Lauzon faire des jokes de fesses en direct de Cuba. Ouais. C'est très drôle. Ouais. Très drôle. C'est des blagues communistes. Ouais. Mais, grosse semaine d'actualité, hein, tellement que j'ai même pas eu le temps de regarder les vidéos de Léopold Lauzon. Tellement qu'on n'a pas eu le temps non plus de parler du chinois. Et là, c'est pas une blague. Du chinois qui a passé 5 jours avec un dildo dans l'intestin. C'est pas une blague. Ben c'est vrai. Oui. C'est rendu là comment? Je sais pas. Je sais pas. Franchement. Non, j'ai pas aucune allusion. Je trouve juste que c'est une grosse nouvelle. Ouais, c'est juste ça que je voulais dire. Je voulais en parler. Je trouvais que c'était plate de laisser ça comme non dit. L'Amérique a été sous le choc de découvrir après plus d'une quinzaine d'années, vous l'avez vu, que Lance Armstrong était dopé. Stupeur et tremblement dans le monde du vélo, mais à l'échelle planétaire. Et ça nous a donné une idée pour notre top 5 hebdomadaire. Alors voici donc les 5 choses qu'on sait déjà, mais qu'on voudrait se faire confirmer. Ouais. Alors en 5e position, que François Rebello n'est en fait qu'un hologramme. Ah. Puis la CAQ a dû manquer de batterie. Hein? C'est ça, c'est un jus. Ouais. On l'a perdu. Pouf. Ouais, c'est ça, fâchant. Ouais, des 3A, ça se trouve nulle part, cette affaire-là. Ah là, oui. Une petite batterie. En 4e position, que Jean-David ne gagnera pas la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Eh ben. C'est qui, ça, Jean-David? Je pense que c'est le gars que Pierre Moreau a engagé pour pas finir dernier. Ah ouais. En 3e position, que Claude Meunier n'est pas humoriste, finalement, c'est un dramaturge. Ah ouais. C'est pour ça. Moi, j'ai pleuré pendant Adam et Ève cette semaine. C'est vrai? Vous, ouais. Des larmes de sang? Non, je suis allergique. Allergique. Ah. Les acariens. Non, ça, c'est l'enfer, ça. Aérius que je prends, moi. Ouais. Surtout quand j'écoute Adam et Ève. Ah, on a deux, comment dire? Ouais. En 2e position, que Gérald Tremblay n'est pas un hologramme. Non, ça, c'est pas vrai, je ne le crois pas. Alors, je vous le dis qu'il existe, j'ai déjà serré la main. Ah ouais, ça faisait-tu? Vous y avez déjà aussi serré la main? Ben là, non, c'est le son d'un hologramme. OK. Et la première chose qu'on sait déjà, mais qu'on voudrait se faire confirmer, que Gaétan Barrette ne souffre pas d'embonpoint, c'est l'environnement autour de lui qui est trop petit. Ah! Franchement. C'est un manque. C'est un manque de goût, puis vous l'avez écrit, Fred Assumé. Présentez-nous notre premier invité. Ancien journaliste sur tous les réseaux, il est plus constant depuis qu'il est en politique en demeurant dans l'opposition. Mais avec un gouvernement minoritaire, il pourrait bientôt accéder au pouvoir. Accueillons le député caquiste de Chauveau, M. Gérard Deltel. Merci, M. Deltel. Vous voulez une bière, M. Deltel? Oui, allons-y. Alors, j'ai de la rousse ou de la IPA? IPA. IPA, parfait. Mm. Ça, c'est de la bière forte, ça. Vous êtes peut-être solide. Ah oui? Hein? Je vous le dis, vous pouvez s'en changer. On j'ai a d'autres au pire. J'ai pris une Guinness hier pour la fête des Irlandais à Shannon, pas loin du comté de Chauveau. Puis? C'est rough. Ben, ça dépend comment on la prend. C'est rough. Quand on en prend 10, la 10e est plus dure. Mais, oui. Juste ça. Quand on en prend une ou 10 ans, c'est pas mal tard. Ben, c'est une bière qui goûte, hein? M. Deltel, évidemment, avant votre arrivée, j'ai lu sur vous. Puis la seule chose que je retiens, mm-hmm. C'est pareil que vous êtes extrêmement fin. Ah, j'ai lu ça, moi aussi, dans la presse. Ben oui. Mais est-ce que vous êtes si fin que ça? Non. Ah non, hein? Non. Surtout, là, je sais pas pourquoi je me sens pas fin ces temps-ci. Là. C'est vrai? Ben, juste en arrivant à l'émission? Oui, ou... ben, vu que je viens en parler, bon, ça me sent pas mal. Mourir une bière tout de suite, moi aussi, ça me dérange. Je me sens un peu mal. Riche idée. Non, non, mais Patrick Lagacé dit que vous étiez fin. Uh-huh. Vous-même, vous me le dites de temps en temps, mais là, c'est juste qu'à l'émission, vous êtes gêné, je me normal. Un petit peu, oui. Mais être si fin et être à la CAQ, là, ça va ensemble, ça? Ben, absolument. Il y a des gens fins à la CAQ. Il y a que des gens fins à la CAQ. Que des gens fins. Vous en connaissez des pas fins? Ah, ben, j'en connais très peu, hein, parce que vous êtes pas beaucoup, vous êtes juste 19. Quand même, quand même. Mais est-ce que c'est le fun d'être à la CAQ? Parce que vous êtes passé quand même de l'ADQ à un nouveau parti complètement. C'est assez récent. Vous êtes entré là-dedans à grande boom. Vitesse. Il y a eu les élections. Bang! Vous êtes maintenant caquiste. Bang, bing, bang, boom. Bing, voilà. Bang. C'est-tu le fun d'être caquiste? Oui, c'est le fun. Absolument. Ça se dit-tu bien? Ben, vu que vous en parlez, je pense que c'est la première fois que je vais dire publiquement « Je suis caquiste ». Ah boy! Oh! Parce que ben, j'aime ça! J'ai toujours parlé de la coalition, membres de la coalition, nous de la coalition. Ça finit tranquillement à s'adapter. On finit tranquillement à s'adapter. Un peu comme le Parti québécois du reste, hein, en 68, quand ça a été créé, ouais. À l'encontre du désir de René Lévesque. René Lévesque ne voulait pas le nom Parti québécois. Il trouvait ça trop présomptueux. Ben, c'est un peu présomptueux. Vous en parlez. Ben, on va peut-être en parler tantôt avec Mme Arel aussi. Mais... Caquiste, au début, ça sonnait tout croche. Les gens disaient, ça n'a pas d'allure. Mais on a fini par s'habituer à tout. Bon, le monde s'habitue à n'importe quoi. Vu que vous en parlez, oui. Ben oui. On doit s'habituer aussi à l'indépendantisme de son chef, j'imagine. Non, il n'est pas du tout indépendant. Il est très près de nous, il nous parle beaucoup. Ah, OK. Il n'est pas indépendant l'un de l'autre. Il n'est plus séparatiste en tout. As-tu déjà été séparatiste? On dit je ne sais pas. Je dis ça comme ça en même temps. Je me dis, François Legault, c'est peut-être pas le même qu'avant. Ah, c'est lui qui a fait le budget de l'an 1 au PQ? Oui. Non, c'est pas le même. Ça, OK, je pensais que c'était le même. Un autre gars. Ça me dit rien, ça. Mais là, c'est beau, Gérard Deltel, Michel David était à C'est bien meilleur le matin cette semaine et il faisait remarquer, Michel David du Devoir, il faisait remarquer qu'on n'entend pas parler de la CAQ depuis une couple de semaines. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est sûr que quand on voit la commission Charbonneau qui démontre hors de tout doute raisonnable qu'il y a énormément de corruption chez nous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été les premiers à demander cette commission-là, puis ça a pris 942 jours au gouvernement pour se rendre compte qu'il fallait faire ça. Mais quand vous dites nous, c'est la DQ, parce qu'il n'existait pas, la CAQ. On a fusionné, alors on fait partie de la même famille, vous l'aurez compris. C'est sûr aussi quand on voit que la ville de Montréal, il y a certaines situations un peu délicates. C'est sûr quand on voit le gouvernement actuel qui annonce une chose puis qui fait le contraire dans les 48 heures suivantes. C'est sûr quand on voit aussi le Parti libéral qui contredit certaines de ses positions passées. C'est sûr qu'une fois qu'on a parlé de tout ça aux nouvelles, il ne reste plus de place pour mettre en lumière les bonnes valeurs qui sont proposées par la Coalition Avenir Québec. Ben justement, la Coalition Avenir Québec, dans tout ça, là, parce que, bon, est-ce que vous avez été associé de près ou de loin à la Commission Charbonneau, pas encore? Non, pas encore. On a demandé justement à être participant, mais comme notre parti n'existait pas en tant que tel pour les années qui sont couvertes par la Commission Charbonneau, c'est clair qu'on ne peut pas avoir un statut de participant, mais on est très, très, très attentif à ce qui se passe. Ben oui, vous avez RDI, il n'y a pas de problème, on peut écouter ça à longueur de journée. Mais justement, là, à travers tout ça... franchement, est-ce que vous êtes en train de dire des méchancetés sur Radio-Canada? C'est mal me connaître. Pourtant, il me semble que je vous connais quand même bien. Vous n'avez déjà dit des méchancetés sur Radio-Canada? Ah, vous avez trouvé ça? Oui. Hein? L'Internet, ça s'appelle? Oui. Mais, pensais que c'est un compétiteur avec Alinette ou Internet. Malheureusement, non. Non, en fait, non, ça nettoie pas, ça salit souvent. Ah, ouais, c'est pour ça que Calinette a été inventée. Une entreprise de Québec, d'ailleurs. On se disait justement, là, on vient de rentrer dans la commission Charbonneau, ce qui fait que on a un peu oublié qu'il y a à peine un mois, on sortait d'élections. Absolument. Et ces élections-là, bon, ont porté au pouvoir le PQ, qui donne d'ailleurs raison à votre slogan. Hein. Faut que ça change. Faut que ça change, ça a changé. À tous les jours, bingo. Il change. Ben oui. Non, ils disent une chose, la main change. C'est des voleurs d'idées. Arrêtez donc. C'est des voleurs d'idées, les péquistes. Ils ont piqué notre slogan et ils l'appliquent. Ils disent une chose, puis le lendemain, il faut que ça change. Fait que vous auriez fait ça aussi au pouvoir? Non, sûrement pas. Là. J'étais pas sûr. Mais sans rire, là, sérieux. Là. Oui. Si nous autres, on était au pouvoir qu'on avait fait ça, ouais. Peux-tu vous dire qu'on se serait fait rire de nous autres pas à peu près? Ouais. Oh, c'est bien, gang d'amateurs, là... ils savent pas gérer. Monsieur Deltel, c'est des hypothèses. Là. La CAQ au pouvoir. Mmh. Voyons, là, on est en train d'en... Mais est-ce que vous y avez cru? Ben, la CAQ au pouvoir, à un moment donné. Parce que les sondages sortaient, on se disait, mon Dieu, mais il y a une montée inexorable. On va avoir François Legault comme premier ministre. Il y avait une possibilité technique réelle. Quand tu finis à 4% du pouvoir, tu as le droit de rêver à ça. Tout à fait. Mais tu sais, moi, je suis un ancien journaliste, puis je prends jamais rien pour acquis. Puis il y a une phrase qu'on se dit, nous autres, les journalistes, là, qu'on se répète tout le temps. Même si ta mère dit qu'elle t'aime, vérifie. Fait que tu sais, tu prends pas de chance. Mon Dieu, mais avez-vous souffert dans votre enfance? Vous? Absolument pas. Et à chaque fois que je dis ça, je pense à ma maman qui est la meilleure maman de la planète. Ah oui? Oh, ah mon Dieu. Entier. Vous avez fini à combien? 27 % Oui, 27 % 19 députés. Ben oui, vous êtes donc à 4-5 % du Parti québécois. Oui. Comment on fait pour que ces 4-5 % %-là se transforment en 54 députés? Bien, on laisse les péquistes continuer à diriger le Québec comme ils font, mais je pense que c'est bien parti pour nous autres. Ah, vous regardez le bilan et vous dites ça va bien. Puis on voit les libéraux qui disent une chose puis le contraire, les trois candidats qui ne savent pas trop comment s'enligner. Mais oui, mais ils sont en course, là. Oui, bateau, oui, je sais. Qui vous êtes? Là, vous êtes chef, en fait, vous êtes leader parlementaire pour la CAQ. Vous aimeriez voir qui, là, à la tête du PLQ? Parce que la course, on est en pleine course, là, en ce moment. Moi, je pense que M. Dion ferait un très bon chef. Non, il faut pas mettre de côté puis de Non, mais je pense qu'il se, il se met lui-même de côté là, fait que. Hein? Mais entre les trois là, Monsieur Quidon, Moreau, ça. Oui, oui. J'oublie tout le temps ce nom là. Oui, monsieur Couillard puis Monsieur Bachand, là, lequel des trois? Ben, ils sont tous fins, les trois. Vous savez, moi, j'aime tout le monde. Ben oui. Fait que j'aime tout le monde. Puis, regarde, me donner raison à Patrick Lagacé. Je ne veux bien pas le contredire. C'est un brave garçon, Patrick. Ben, paraît-il. Alors, oui, je confirme. D'ailleurs, quand j'ai lu son texte, je me suis dit, qui est fin, ce gars-là. non, mais c'est vrai, Docteur Couillard, quand même, c'est quelqu'un. C'est un monsieur. Puis moi, M. Bachand, j'ai énormément de respect pour lui. Puis j'ai beaucoup d'échanges privés avec lui qui sont très fructueux. Puis Pierre Moreau, c'est un politicien professionnel. On l'a reçu la semaine dernière. Habile du terme. Tout sérieux, à fait, Pierre, tout là, c'est un point de pique. Puis surveillez-le, ce gaillard-là. Tantôt des gens se dire, je ne nommerai pas qui, qui va finir troisième ou quatrième. Ben, soit c'est pas moi, certain, ça. Je ne sais pas qui. Mais attention, ce garçon-là, le soutien de des jeunes, et sachez que les jeunes représentent un vote sur trois dans ce parti-là. Ah oui, mais le concept de jeunes au PLQ me semble assez lousse. Parce que lui-même, c'est le candidat des jeunes, il a 55 ans. Je me dis, en même temps. Mais l'âge, qu'est-ce que c'est l'âge? Regardez, le plus jeune candidat au poste de premier ministre, la dernière élection, c'était Jean Charest. Ça faisait 9 ans que t'es premier ministre. C'est pas faux. Vous avez tout à fait raison. Gérard Deltel, j'ai une dernière question pour vous. Là. Et après ça, on va recevoir Louise Arel. On continue notre discussion, évidemment. François Rebello, comment il va? Mais on l'a perdu. Puis là, on cherchait, puis on le voyait même plus en arrière de François Legault pendant les points de presse. Quand est-ce que ça va le détacher? C'est parce que, justement, l'autre fois, je suis tombé dans ma vieille collection de National Geographic, puis j'ai vu la une qu'elle avait faite avec les hologrammes, tu sais. Quand vous avez fait votre blague de mauvais goût tantôt, je disais, mon Dieu, ça m'appelle de quoi, ça? Comptez pas sur moi pour reprendre les mauvaises non, blagues. Non, je m'attendais pas à ça de toute façon. Non. Mais là, vous m'avez pas répondu. François, il va-tu bien? Oui, il va bien. Oui? Est-ce que vous lui parlez récemment? Est-ce qu'il y a encore un téléphone? Oui, absolument. Il fait quoi, là? Ouais, il est heureux. Il est heureux parce que pourquoi? Ben, c'est parce que la vie continue. Tu sais, la politique, ce n'est pas des jobs qui nous appartiennent. Ça nous est prêté, ces jobs-là. Ouais, mais au début, ça commence, à un moment donné, ça achève, puis à un moment donné, ça finit. Généralement, on ne choisit pas quand ça finit. Non, puis il y en a que ça finit plus sec que d'autres, hein, pour François. Oui, tout à fait. Ben, vous restez avec nous. On parle avec Mme Arel dans quelques minutes. Mais avant, vous le savez, la Ligue nationale, on en parle, a fait une proposition aux joueurs cette semaine afin de mettre fin au conflit. Ouais. Les joueurs ont répondu, on n'est pas trop sûr si ça va finir, pas se finir. Mais commence à être temps que ça se règle parce que Ron Fournier en a plein son casse. Ça peut être dangereux. Ça, quand Ron en a plein son casque, vous le savez. Et le succulent DJ Philippe Roberge a justement remixé pour vous une de ses belles envolées. Ça s'appelle La Bête à Batman. On écoute. Qu'est-ce que je disais, le Satan? Renfermez-vous. Renfermez-vous. Faites-vous venir du sous-marin, là, des, je sais pas, n'importe quel subway, n'importe qui. Pizza. Installez-vous là. Mettez pas vos cravates vertes puis vos cravates bleues. Puis... Chalez-moi pas avec ça, là. Je t'allais de vous voir la bête. Pourquoi on le prend personnel de même, là? Voyons, on se marie, là, soir. Là, on commence, là. Ouais. On s'est trouvé ça plate, là, gang de niaiseux. Soyez-vous, réglez ça. Tout le monde le dit. Partout. RDS. TVA Sport. Toutes les radios. Sportsnet. TSN. ESPN. Tout le monde dit, voyons, non? Déniaisez-vous. Tout le monde. Que vous soyez journalier, chauffeur de taxi. Monsieur Wang, mon dépanneur préféré. Journaliste. Tout le monde dit qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe. Déniaisez-vous, tout le monde. Comment ça vous aille la face, la bête? Vous payez 8 millions. Maintenant, 3 millions. Fear. Faites de quoi, là? Comment ça vous aille? Je suis allé de leur voir la bête. Dans les compagnies. Je suis allé de leur voir la bête. Jeff, il faudrait peut-être m'en donner qu'il y en a un ou deux. Le propriétaire qui se lève et dit attends une minute. Bon, peux-tu aller à mi-chemin ou peut-être graduellement, là? Jeff, allô? On les connaît pas, les répercussions, mais... M'amener, là. Douche froide, là. Tsunami, là. Je veux pas ça venir tout le temps. Puis là, maintenant, wow, qu'est-ce qu'il y a? Je pensais pas que... Non, mais je croyais qu'il était pour être là. Tout... Non, mais là... Tu allais nous plus, là. Parce qu'au 7 ans, vous nous écœurez. Non, c'est pas... Non, non, on mérite pas ça, nous autres. Jeff, vous se levez. T'es un jeune, Jeff. T'es un jeune dans la gang de... Ouais. Jeff, allô? Faudrait que quelqu'un se lève, là. Ouais, arrêtez le niaisage, là. Ah, je suis allé de leur voir la bête. Je suis allé de leur voir la bête. T'es allé de leur voir la bête des Haley Compagnie. T'es allé de leur voir la bête, même chez. T'es allé de leur voir la bête. T'es allé, là. T'es allé de leur voir la bête. Hey! C'est comme du Led Zeppelin. Ron Fournier fait de la bonne musique, hein? Qu'est-ce que vous voulez, c'est de même. C'est tout. Hey, vous le savez, hein, notre très grand reporter tout-terrain a quitté notre émission la semaine dernière pour aller travailler à Radio X. Et on vient de m'indiquer, je suis pas sûr, c'est... oui, on vient de m'indiquer qu'il est en ligne avec nous cette semaine. Jean-Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Jean-Philippe, comment allez-vous? Hey, super bien. Est-ce que vous nous revenez à l'émission cette semaine? Ben, je voulais revenir à l'émission cette semaine, mais ce sera probablement mon intervention la plus courte, parce que j'avais l'intention, en fait, de devenir policier après avoir décidé de quitter Radio X, parce que je trouvais qu'on parlait un petit peu trop contre vous, puis c'était pas tout à fait justifié, en fait, quand on parlait contre vous. Ah ouais, ouais. Alors, j'ai été très inspiré par la policière matricule 724, alors je me suis dit... 728. De devenir... 728. Ouais, allez-y, pas 4 points, parce que c'est pas chose. Bien dit. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas devenir policier? Ouais. Alors voilà, je me trouve présentement au quartier central du SPVM, où j'ai décidé de passer une entrevue pour devenir policier. Et imaginez-vous donc que ça n'aura pas lieu. Comment ça donc? Ça n'aura pas lieu parce que la policière qui est devant moi est complètement terrifiée par mes questions, me trouve beaucoup trop edgy, trouve que ça n'a pas de bon sens, qu'elle n'est pas autorisée à répondre à des questions de cette façon-là. Elle est en train de joindre Yann Lafrenière. En fait, tout le SPVM est en alerte. Yann Lafrenière s'en vient ici dans quelques minutes pour approuver les questions que je n'ai pas le droit de lui poser. Alors, c'est en train de créer un véritable télé au SPVM. Mon Dieu, je savais pas qu'il y avait une direction dans cette police-là, moi. Ben non, c'est nouveau. Puis surtout pas de règles. Ben écoutez, Jean-Sébastien, faites attention à vous, hein? Ben je vous promets, je vous promets. OK, puis demandez si pas trop de poivre, là, hein? Si jamais je réussis à parler à quelqu'un, ben je vous reviens. Prenez votre temps. Merci. OK, excellent. Alors, faites attention aux menottes, le kit. Tabarouette. Ben oui. On n'est plus policier qu'on avait. Non. Mais oui, franchement. Fred, vous êtes pas policier quand même, mais non, vous aimez quand même utiliser une matraque, j'imagine. Oui, des fois. Oui, mais allez-y. Ouais, ben cette semaine, écoutez, ça a été une grosse semaine pour les écoles privées, hein, avec ce pavé dans la mare lancé par la ministre Malavoie à l'effet que le gouvernement du PQ pourrait moduler le financement des écoles privées. Bon, le débat n'est pas allé très loin, puisqu'encore une fois, hein, Pauline Marois est venue tirer la laisse sur sa ministre. C'est rendu une habitude au PQ. Les ministres jappent et Pauline dit « Couchez, Rex! Couchez! » Oui. Le débat est complexe, non? Le débat est complexe. Et c'est difficile de trancher, à moins de chroniquer la presse, hein, où à peu près tout le monde, sauf Michel Ouimette, ont dit que c'était bien parfait comme ça. J'avoue que si j'avais le même salaire que la majorité des chroniqueurs qui ont fait l'apologie d'école privée, je ferais peut-être la même chose qu'eux, c'est-à-dire rendre hommage à un système qui m'offre un rabais de 60% sur l'éducation de mon fils, même si sans le rabais, j'aurais quand même les moyens d'envoyer au privé. On a évidemment pu lire dans le Journal de Montréal que le PQ n'aimait pas le succès ni les riches et qu'il s'attaquait aux écoles privées parce qu'elles ne n'y voulaient pas par en bas, comme on aime si bien le faire au Québec dans le réseau public. Monsieur Deltel, je vous vois opiner du bonnet. Faut quand même prendre avec un grain de sel un journal qui dénonce le nivellement par le bas, mais qui le pratique dans ses pages sur une base quotidienne. Mais la question se pose quand même. Doit-on subventionner les écoles privées? C'est quand même près d'un demi-milliard de dollars par année qui ne profitent pas aux écoles publiques. Parce que non seulement les écoles privées n'ont pas à prendre dans leur rang les élèves avec des troubles d'apprentissage, mais ils pompent carrément les meilleurs élèves du public, ce qui crée un déficit d'excellence au public et prive ainsi les élèves les plus faibles d'une saine émulation. Ouais. Bon, pour ceux qui comprendraient mal le concept d'émulation, je vais vous donner un exemple bien simple. Merci. Imaginez que le Journal de Montréal est une école publique. Hein? Ouais. Et imaginez que Richard Martineau est premier de classe. Hein? Pourquoi est-il premier de sa classe? Parce que Le Devoir et La Presse, des écoles privées, ont pompé le Journal de Montréal de ses meilleurs talents. Voilà pourquoi l'émulation est un concept important pour nos écoles publiques. OK, ouais, bon, je comprends. J'avoue quand même ne pas avoir d'opinion tranchée sur la question, mais je tiens à spécifier que je suis particulièrement apte à en parler intelligemment. puisque j'ai moi-même fréquenté le privé et le public pendant mon parcours au secondaire, ouais, qui a duré 9 ans. Ah, c'est pour ça que j'aime pas. J'ai goûté aux deux mamelles scolaires. Ben, j'ai passé 4 belles années, hein, au séminaire du Verbe divin où on récitait le Notre Père debout à la gauche de notre pupitre pendant les cours d'histoire du Père Némette, des souvenirs impérissables. Pour les plus jeunes, les Y, le Notre Père, c'est une prière. Mais c'est aussi au séminaire que j'ai appris à détester les preppies qui portaient leur polo Lacoste à l'envers pour être encore plus cool que les vulgaires mortels qui le portaient à l'endroit. C'est au séminaire également que j'ai appris que quand tu portes des fonds de bouteille, les filles te regardent pas, mais quand en secondaire 3, tu portes subitement des verres de contact, tu deviens un stud du jour au lendemain. C'est aussi au séminaire que j'ai appris que quand un directeur disciplinaire mesure 5 pieds 2, ben les grands dadettes 5 pieds 11, ils les aiment pas ben. Alors, suite à un renvoi tout à fait injustifié, j'étais probablement trop brillant pour le séminaire, non, j'ai dû terminer mon secondaire dans une polyvalente de Drummondville. Et j'avoue que j'ai adoré mon passage parmi la plèbe, parce que c'est dans une école publique que j'ai pu faire de l'improvisation pour la première fois de ma vie, chose qui n'existait pas au séminaire. C'est aussi à l'école publique que j'ai pu jouer au football dans une ligue scolaire pour la première fois. Ça non plus, au privé, on n'avait pas ça. Et c'est aussi à la polyvalente que j'ai constaté que les filles de la campagne sont pas mal plus willing que les filles de la ville. Bon, admettons qu'on coupe complètement le financement de l'école privée. Juste pour le fun, là. Est-ce si certain que le système public serait submergé? Ne pourrions-nous pas instaurer un système de prêts et bourses pour les parents? Hein? La majorité de ces mêmes gens étaient d'accord pour un tel système pour les étudiants universitaires qui manifestaient dans la rue. On aime ça au Québec, engraisser les banques en taux d'intérêt. De toute façon, pourquoi ne pas le faire dès l'école secondaire? Et en terminant, tiens quand même à spécifier que Lino Zambito est un produit du système privé, lui qui a étudié au collège Jean de Brébeuf, tout comme Georges Larac, d'ailleurs, qui lui aussi est un brébovin. Avons-nous moralement et financièrement les moyens de se payer collectivement la profondeur de Georges Larac et la droiture de Lino Zambito, et ça, ne serait-ce qu'à hauteur de 60%? Je pense que la question se pose, Jean-Philippe. Merci, Fred. Alors, j'aimerais retourner discuter avec Jean-Sébastien, mais paraît-il qu'il est en prison en ce moment, en attente de Yann Lafrenière. Donc, on espère qu'il puisse le trouver. Hein? Ah, ben, j'espère. Ben, oui, on le souhaite tous. Fred, en attendant, présente-nous notre deuxième invité. Ancienne députée péquiste de longue date, c'est à elle qu'on doit entre autres la fusion de Montréal en 2000, ce qui lui permet maintenant d'être chef de l'opposition d'une plus grande ville. Accueillons la chef de Vision Montréal, Louise Harel. Madame Harel, bonsoir. Je vous en prie. Et là, je vous vois avec votre thé, là. Oui, parce que j'ai une petite extinction de voix. Ah, c'est ça. Vous savez ce qui fonctionne bien pour une extinction de voix? Ben là, vous allez me le dire. J'ai... Une rousse. Je vais essayer ça. Oui, ben, M. Deltel en boit une, d'ailleurs. Il a la voix très claire. C'est pour vous que je vous dis ça. Vous voulez pas de bière, j'imagine, hein? Non. Ah, ben, non. D'ailleurs, c'est pas un thé à l'érable, ça? Je ne sais pas, mais c'est une collègue de vos collègues. Arrêtez donc, qui c'est m'a vrai. Oh, oui, c'est un thé à l'érable. Ah, ben, c'est ça, un bon produit québécois. Excellent. Comment ça va, Mme Harel? Ça va bien. C'est spécial à Montréal. Malgré la gorge, la gorge. C'est un petit problème comparé à Montréal, la gorge. Évidemment. Montréal est engorgé aussi, quand même. Merci, Fred. Ouais. Merci beaucoup. Hein? Je vais vous faire signe si j'ai besoin d'aide encore. Non, mais on écoute la commission Charbonneau ce temps-ci. Puis on congestion. La congestion Charbonneau aussi, d'ailleurs. On se demande, est-ce que Montréal va pouvoir s'en sortir? Ah, ben, c'est sûr. Ah, ben oui, j'imagine, avec l'arrivée de Denis Coderre, ça va régler les affaires. Non, mais écoutez, c'est un mauvais moment à passer, là. Ben, mais on s'en est sorti à des intervalles réguliers dans l'histoire. Il y a déjà eu Pax Plante, et puis il y a après Jean Drapeau, et puis c'est bien sûr qu'il y a dans l'administration municipale du bon monde aussi, là. Vous êtes certaine de ça? Ben oui. En tout cas, il y en a un ce matin, j'étais dans l'arrondissement Mercier Hochelaga Maisonneuve, qui m'a parlé de vous. Ah, il m'a même demandé si je pensais que vous étiez aussi beau qu'on le dit. Et là, évidemment, je vais vous poser la question. Le suis-je? La première fois que je vous ai vu, je vous ai dit, vous ressembliez à Elvis Presley. Mais bon... C'est sa principale qualité. En même temps, il est mort. Mais honnêtement, après, je vous ai dit, vous avez été détrôné par Léo Bureau-Blouin. Ça me met en mot à dire. Honnêtement, en plus, il y a 20 ans, cet enfant-là. J'ai compris qu'il était jaloux. Ah oui, oui, non, je suis extrêmement jaloux, surtout de Léo. Puis, il est tellement petit, là, s'il vient ici, là, 20 ans, il va être plus beau que vous longtemps encore. Mais là, ah, merci beaucoup, Fred. Vous êtes plus beau, ça fait un moyen bout de voix. Non, mais là, bon, on parlait de Commission Charbonneau, puis oui, c'est important parce qu'on l'écoute tous les jours assidûment. Est-ce que vous l'écoutez également? Ah, ben, écoutez, c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est comme un cours sans un de la collusion puis de la corruption. Ah oui, oui, tout à fait. C'est inimaginable. Vous en aviez pas... Ça aurait pu être un entrepreneur qui n'était pas capable de faire des phrases avec ses mots. Oui, oui, mais alors pourtant, que lui explique ça en détail. C'est s'habiller, a des beaux cheveux et parle bien. Là, il y a une affaire qui me tente bien gros. Là. Union Montréal, Projet Montréal, Vision Montréal. Vous allez me slacker, c'est non pareil. Parce que je sais même plus pour. Non, mais je sais même plus qui non. Et pour qui. Ben non. Moi, j'ai coche tout quand je vote. Ah, ouais, les ouais. Trois. Moi, je vote les trois, mais m'a tombé sur le bon à m'amener. Bon, d'abord, vous inquiétez pas, moi, ça m'a pris 3 semaines. T'sais. Ah, ben, c'est bien. Donc, mettons, je vous en laisse 4. Ah, ouais, ben, c'est correct, c'est correct. Mais ça confond le monde, je voulais vous le dire. Là, vous, c'est Union, Vision, Projet. Vision, c'est Vision, vous, hein? Oui, oui. C'est oui. Vision. Alors, oui. Vision Montréal va tenir son cocktail de financement mercredi prochain. Oui. C'est un méchant timing hein, pour tenir un cocktail de financement. Écoutez, j'ai des billets, moi. Je me sens oui, justement, je oui, vois oui, ça. C'est oui. 150 $ le billet. Et il y a 117,50 de crédit d'impôt. Donc, okay. Sur le 150, ça vous revient à 32 $. Ah, bah, et je vous invite très fortement à lire l'excellent article de Marissal dans La Presse. Vincent, de son prénom. Oui, parce que la démocratie, ça a un prix, ça. Mais il faut le payer démocratiquement. Ben justement, mais de refuser de le payer, là, c'est la pire chose qui peut arriver dans une société. Monsieur Deltel, en fait, la CAQ proposait de réduire, par exemple, au municipal. Hein, on voulait réduire le nombre d'élus quand même pas mal. Oui. Et ramener le pouvoir dans la ville-centre. Est-ce que vous êtes d'accord avec oui. ça? Oui. Ah, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Mais supposons absolument que... d'accord, c'est pour ça que je suis venue en politique municipale. C'est vrai? Oui. D'ailleurs, oh, vous préfériez être mairesse que d'être première ministre. Bon, d'abord, écoutez, à Montréal, là, on n'a pas un maire, on a un lieutenant-gouverneur qui s'appelle Gérald Tremblay. Ouais. Parce que on a c'est pas 19 arrondissements, c'est 19 mairies, quasi-mairies, ouais. quasi-villes, là, qui ont le pouvoir de taxer, pouvoir d'emprunter, pouvoir d'embaucher, etc. C'est certain que Montréal, ça, c'est paralysé. Puis il y a du gaspillage, comme vous avez Mais lieutenant-gouverneur, là, Gérald Tremblay, est-ce que vous voulez dire parce qu'il est voleur? Lieutenant-gouverneur, ça vole? Non. On sait pas ce que... Non, mais je fais... Il y en a qui roulent aussi. Mine, ouais. Parce qu'il y a bonne mine. Ça roule fort. Mais, enfin, mais justement, là, vous êtes en pleine campagne de financement. On le sait avec la commission Charbonneau, on en entend parler. On connaît pas tous nos invités. Hein? D'ailleurs, on connaît même pas tous nos collègues. Benoît Labonté, c'est un des vôtres, ça. Hey, je te dis qu'il y a la poche lousse, lui. 25-30 000 $ de M. Zambito. Vous le saviez, ça? Non. C'est Monsieur TVQ, ça. Écoutez, non seulement je ne le savais pas parce qu'il est resté tellement de dette dans ce parti-là. À ce point-là? Que, oh, ben oui. Mais moi, j'avais apporté un balai pour arriver en politique municipale. Ouais. Puis la première chose que j'ai fait, je l'ai passé dans le parti Vision Montréal. Ben, c'est ça. Oui, mais ça prend plus qu'un seul balai. Mais je me pose la question, là. Disons que c'est net, là. Ouais, oui, est-ce que c'est plus... Écoutez... Vous n'avez plus de dettes, là. Bien, des dettes, oui, mais on les rembourse proprement. Proprement? Oui. Donc, avec des activités de financement dont, voilà. Que vous allez tenir. Donc, et je le répète, la démocratie, ça a un prix, ça. Vous êtes d'accord si avec ça? Si on s'imagine que ça ne coûte rien, on laisse les autres à notre place, puis il arrive ce qui est arrivé avec la commission Charbonneau. Bien, justement, vous avez des solutions, vous offrez des solutions. Il paraît que vous vouliez... mettre en poste des policiers un peu partout dans l'administration municipale, proche des fonctionnaires, là, pour vérifier. Bon, écoutez, je trouve ça une bonne idée. Il y en a un là, qui veut se présenter. Là. Oui. Celui qui n'a pas été embauché. Oui, Jean-Sébastien, là, le pauvre. Ben oui, le pauvre monsieur. Jean-Sébastien. Ben oui, ben oui. Bon, mais ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une expertise, comme en Italie. En Italie, ils ont développé des logiciels. Bien, on peut comprendre. Puis, oui, oui. Bon, bien, profitons de leur expertise. Mm-hmm. Mais... Je vais citer André Normando, celui qui a enseigné à des générations et des générations de criminologues. Ouais. Samedi dernier, il est venu le dans père un de panel. Nathalie, ou... Non. Non, ben moi, vous me dites criminologue, Normando. Il est venu dans un panel où il a fait amende honorable. Il y avait à chaque côté de lui deux policiers qui avaient été ses élèves, Jacques Cheneau puis Guy Ouellet. Les ah, deux, oui. Hein, Parti libéral et la CAQ. Et il a dit, écoutez... Le chef de la CAQ, M. Monsieur Normando a dit... Député. Non, juste pour replacer les gens ici. Ouais. Député. Ah, député. Je me mêle tout le temps. Vous, là. Ben oui, mais... Mais il a dit quelque chose de vraiment important. Il a dit, écoutez, ce que je vous ai dit quand vous étiez mes étudiants, là, c'est faux. Parce que je me suis trompée. Maintenant, le crime organisé a tellement infiltré l'économie légale là, que moi, qui a toujours professé qu'il fallait que, y a pas, que les services policiers ne se mêlent pas d'administration publique, j'ai eu tort. Oui, j'ai eu tort parce qu'il faut que l'expertise puisse aller identifier l'expertise, par exemple, du SPVM, à identifier toutes les tentatives de collusion, de corruption. Moi, avec mon équipe, on avait fait l'étude de 300 contrats. C'était rien par rapport à la Ville de Montréal. Ça s'est fait il y a 18 mois. C'était des contrats de voirie. Puis on a fait un beau tableau, puis on a rendu ça public, puis on a démontré qu'il y avait une concentration. Une entreprise qui avait 98 % des contrats, quand elle soumissionnait, elle n'avait rien quand elle allait chez le voisin et vice-versa. Donc, mettre des policiers là-dedans, ça aide. C'est surtout mettre l'expertise. Par exemple, les compagnies à numéros. Par exemple, les sous-traitants. Nous, quand on vote des contrats, parce que c'est ça la différence. Moi, j'ai passé 28 ans à Québec. J'ai jamais voté des contrats à Québec. Mais vous savez qu'au municipal, c'est tous les mois. C'est des dizaines de millions. L'idée n'est pas folle, parce que l'agent de 728 à côté d'un petit conseiller, là, on va te dire une affaire, tu checkes avant de répondre. Hein? Les dépassements de coûts, il n'y en aurait pas. En tout cas, il n'y aurait pas de gratuité dans le coin, ça, c'est sûr et certain. Donc, mais là, on parlait justement de Benoît Labonté. Ça a été un sujet cette semaine, on ne peut pas le nier. On a parlé beaucoup de Benoît. Est-ce que vous parlez encore à M. Labonté? Je ne l'ai pas revu depuis le matin où je lui ai demandé de quitter Vision Montréal. Ah oui? Oui, ou bien d'aller au studio là, de votre concurrent. Là, je ne m'en rappelle plus de qui vous parlez. Non, mais démentir ce qu'il se disait, parce que lui m'a jusqu'à la fin nié avoir même téléphoné. Je ne vous parle pas d'argent. Là. De téléphoner à M. Zanito. Non, c'était M. Accursoy. Accursoy à l'époque? Ça finit en haut. Hein? On ne va pas s'assiner sur... on parlait de Gérald Tremblay tout à l'heure. Évidemment, vous avez une opposition qui peut paraître molle. Hein? On va se le dire. Mais ça paraît mou. Hein? À Montréal, ça paraît mou. Hein? Je disais, M. Tremblay est un petit peu mou ce temps-ci. Vous avez déposé... Vous avez aussi l'opposition molle. Non, mais vous opposez quelqu'un de mou. C'est un peu ça que je voulais dire. Ah, vous comprenez ce que je voulais dire? Vous n'êtes pas molle. C'est pas mon genre de dire ça. Ben, c'est un stéréotype machiste. Oui, tout à fait. Et vous m'avez déjà dit que j'étais beau, fait que je ne peux pas comme... Non, mais on parle de Gérald Tremblay. Si vous avez déposé une motion de blâme. On fait souvent ça, une motion de blâme à l'endroit du maire Gérald Tremblay. Hey, ça, c'est utile. Hein? Non, mais, il me semble que c'est toujours comme un coup d'épée dans l'eau, des motions de blâme. Regardez bien. Ben, d'abord, au niveau municipal, n'est-ce pas, ce qu'on dépose aussi en même temps, nomination d'un commissaire à l'éthique avec des pouvoirs d'enquête et de sanction sur les élus, les fournisseurs et les fonctionnaires. Quand on est minoritaire, pas minoritaire, l'administration Tremblay est franchement majoritaire là-dedans, donc évidemment, on sait que ça passera pas. Alors que, par exemple, M. Deltel, si vous vouliez le faire là, avec vos amis libéraux, là, vous seriez capable de faire passer ces choses-là. Mais c'est pas la même chose, parce qu'au municipal, contrairement, par exemple, à Toronto, où ils ont ce commissaire à l'éthique et ils ont un pouvoir de destitution. Ah oui, c'est vrai. Rob Ford, là, le maire Rob Ford. Oui, tout à fait. Il est sous menace. Là, on remarque que votre anglais s'est amélioré, vous. Pas pire. Madame Marouet menacée. Ben oui. Vous savez, je suis un coup tous les étés. Ah, c'est vrai? Avec Pauline? avec un professeur. Ah, OK, d'accord. C'est mal de gauche qui aide à la prononciation. Je trouve ça le fun. Mais là, bon, les élections s'en viennent, c'est dans un an, en fait. À l'Université Bishop. Bishop. Hey, c'est même pas à UQAM, c'est Bishop. les élections s'en viennent. Dans un an, on s'en va en campagne électorale la mairie. Au fédéral? Bien, probablement. Provincial aussi, probablement. Là, je vous regarde, vous êtes prêts pas mal. Mais là, donc, est-ce qu'on pourrait penser à un gouvernement caquiste, hein, une administration... Union, vision, projet, vous. Vision. Deuxième. Vision. Alors, une administration vision, une administration caquiste. Est-ce qu'on peut joindre ces deux administrations-là et faire une Ville de Montréal beaucoup plus efficace? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Bien, on peut imaginer. Il faut. On doit imaginer une Ville de Montréal plus efficace. Écoutez, 16 % d'augmentation de taxes depuis les quatre dernières années. 3 % plus 2,25, plus 2,5. Puis vous additionnez. Mais c'est parce que, à un moment donné, les gens sont pris à la gorge. Puis dès la naissance du deuxième enfant, ils s'en vont. 44 %, 1 sur 2. Dès la naissance du deuxième. Non, mais il faudrait stériliser les Montréalais, je pense. Ben ouais. Ou utiliser la même technique qu'en Chine. Là. Oui, t'as un enfant d'attitude, d'attitude, mais ça fait un des accents. On est d'accord avec vous, Mme Arel, là-dessus. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Armé de ses écouteurs, il démontre chaque semaine que la radio québécoise est pas mal plus une source de jambon que d'oméga 3. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Olivier! Alors, belle semaine! Cette semaine, il y a encore le mot jambon dans ma présentation. Ben oui. Le Journal de Québec nous apprenait lundi que le maire Régis Labeaume avait l'appui de 84 % de sa population. Selon Sylvain Bouchard du FM 93, la majorité de ses admirateurs seraient en fait des admiratrices puisque, et je le cite, « il a des allures de dictateur et ça, les femmes adorent ça. Pas pour rien qu'Hitler avait la syphilis. » Et comment Sylvain Bouchard a su que les femmes adoraient Régis Labeaume, ben c'est grâce à Sylvie. Ah. Toi, tu penses que les femmes l'appuient davantage José, que les hommes? Je peux même les nommer. Salutations à Sylvie. Quatre courriels de merde, aussitôt que je dis de quoi de mal contre Régis Labeaume. Ben, elle ne représente pas toutes les femmes. Non, mais il n'y a pas juste Sylvie. Il y a Aline aussi, il y a Sonia, il y a... J'y connais, là. Ah, ben si Aline puis Sonia sont d'accord, je pense qu'on peut parler d'une tendance. Mardi, Régent Tremblay lançait son nouveau roman qui raconte l'histoire d'une princesse africaine repêchée par Canadiens ou quelque chose comme ça. Pour Régent, là, il existe une grande différence entre la télé et le roman. Tu sais, là, j'avais une liberté, Paul. Soyons... quand tu écris la même scène pour la télévision, là, il faut que tu vérifies le contrat de l'actrice. Est-ce qu'elle accepte, elle a-t-il une clause pour les seins? Est-ce qu'elle a une fesse ou deux? Est-ce qu'elle a une cuisse? Est-ce qu'on peut montrer une partie du ventre? Ah, oh, les femmes de nos jours, hein? Ils aiment bien ça, se faire dominer par un dictateur, mais quand vient le temps de se déshabiller devant un romancier lubrique, ah oh, ben là, ça marche plus. Bye-bye, hein? Mercredi, Jérôme Landry et Denis Gravel de Radio X à Québec dénonçaient l'intimidation dont était victime Matricule 728 suite à la diffusion de ses frasques. Ben oui. L'intimidation est d'ailleurs un de leurs sujets récurrents. Leurs recommandations sont claires. Si tu te fais intimider, ne joue pas à la victime. Fais-toi une carapace. C'est pourquoi, comme chaque fois où ils sont critiqués par les Vautier ou Wagner de ce monde, ils se sont plaints pendant 15 minutes d'être les victimes d'un matamar de la grosse presse qui avait osé les taquiner. J'ai un bully depuis à peu près 2-3 ans. Il s'appelle Patrick Lagarde. Et un bully, ce que ça fait, ça sort un individu et ça le pointe du doigt. Ça sort un individu et ça le salit. Ça sort un individu et parfois ça se fait sur plusieurs fois. On appelle ça de l'acharnement. Et on stigmatise cet individu-là pour en faire une victime. Et ils savent de quoi ils parlent, puisque le conseil de presse rendait une décision à leur sujet cette semaine, là, je l'ai ici, là. Les plaignants reprochent aux animateurs Denis Gravel et Jérôme Landry leurs propos tenus envers Gabriel Nadeau-Dubois, OK, blablabla. OK, ils dénoncent le contenu et le ton agressif et intimidant de l'entrevue. Le conseil retient donc le grief pour ton et propos irrespectueux et méprisants. Tout est dans tout. Ben oui. Côté fait divers, un Abitibien est décédé cette semaine d'une crise cardiaque lors de son transport vers l'hôpital dans la boîte d'un pick-up parce qu'aucune des ambulances du coin n'était disponible. Éric Duhaime a une solution à ce type de problème. Tant et aussi longtemps qu'on ne va pas permettre aux patients d'investir leur argent puis qu'on va pas laisser la concurrence puis les lois du marché opérer dans ce secteur-là, on n'aura jamais le système utopique promis par les étatistes depuis trop longtemps au Québec. Là. Ça fait 50 ans qu'on essaye, il n'y a rien qui marche. Le monde meurt dans des pick-up à se faire transporter à un hôpital. On se rappelle aussi qu'il y a 50 ans, les gens mouraient parce qu'ils n'étaient pas capables de se payer des soins de santé. Oui, j'en connais à qui c'est arrivé, Sylvie et aussi Aline et Sonia, pour ne pas les nommer. Non, mais les gens font plus confiance en nos institutions. Là. La semaine passée, il y a un gars qui a trouvé le journal intime des policiers qui protègent Gino Zambito. Puis le gars a fait quoi? Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui a trouvé ça sur un terrain de stationnement de ce livre-là, le livre de bord des déplacements et de la sécurité de M. Zambito. La personne ne savait pas quoi faire avec ça. Elle a appelé au Journal de Montréal. Bon, c'est décidé. La prochaine fois que j'ai un malaise cardiaque, j'appelle Claude Poirier. Merci, Olivier. Merci bien. Eh bien, là, je vois le public extrêmement stressé à savoir si on va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Eh bien, non. Imaginez-vous donc, le SPVM, toujours soucieux de son image, ben a décidé de faire une belle campagne de relations publiques et de ne pas venir nous parler. Alors, on souhaite à Jean-Sébastien de nous revenir quand même pour la semaine prochaine ou de rester à Radio X. C'est son choix. Hein? Alors, bonne chance. Fred, présentez-nous notre prochaine chroniqueuse. Son regard sur l'actualité est non seulement unique, mais complètement décalé, ce qui en fait une revue de presse sur l'acide à elle seule. Voici la chronique de Léa Strelitzky. Ah, Léa, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous voulez une bière? Ben, je suis tellement contente que tu me le demandes. Tu me le demandes jamais, moi. Ben non, mais je me disais, t'as l'aide, toi. T'es pas le genre à faire ça. Hey. Excuse-moi. Toi, bon. Je t'avais de t'enregistrer puis tu deviens un extrait d'Olivier, ça. Bon. Bon, c'est un peu méchant, ça. Léa, quand même beaucoup de choses qui ont pas rapport dans les nouvelles cette semaine, encore une fois. Ben écoute, encore toute une panoplie de choses qui ont pas rapport. Une chose que je suis là. Je vous donne une bière, vous en prenez même pas une gorgée. Ben je sais, je suis de même. Je vais en prendre une. On n'est pas à la télé, Jean-Philippe. Regardez pour voir, mais pas tant que ça. Ben non. Je sais c'est bien. C'est écouter. Ben oui, oui, en fait, c'est ça. Allez, allez, allez-y, là. Oui. Ben écoute, il faut que je revienne sur ce que Maxime Bernier a dit à propos de... Quoi donc? Notre Justin Bieber Timberlake Trudeau national. Donc lequel? Justin Trudeau? Là? Oui, Justin Trudeau. Okay, dans la presse la semaine dernière, oui. Le député conservateur a sommé l'aspirant en chef du Parti libéral du Canada que ce n'est pas avec des slogans creux que l'on gouverne un pays. C'est vrai? Ben moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, ben, Jean-Philippe. Donc, hein? Ben, depuis que je suis au monde, là, j'ai rien vu que ça, moi, des politiciens gouverner avec des slogans creux. Ça se fait très bien diriger un pays avec du vide, Jean-Philippe. Ah ben, très franchement, bien. Monsieur Deltel n'a pas l'air d'accord pendant tout à côté. Non, en tout cas, je voulais en somme. Oui, mais moi, je suis né en 1982, monsieur. Mon Dieu. Donc, je ne sais pas de quoi il parle. Puis ben non, je trouve ça déplorable que monsieur Bernier s'attaque à l'une de nos plus belles traditions canadiennes. Élire des politiciens qui n'ont rien à dire et ont à peu près autant de valeur que Normand Lester ne devrait cheveux sur la tête. Il en reste encore. Je pense, je sais pas, je mais pense. Non, toi, t'as des contacts, Jean-Philippe. Oui. En tout cas, continue, mon Justin. Moi, je suis à une entrevue dans le 7 jours de voter pour toi. Je ah, dis vrai? Ça de même. Bon, ensuite. Ça va venir. Oui. On apprenait aussi cette semaine dans la presse que le Pakistan pense demander à ses fonctionnaires d'abandonner le complet cravate. Oui. Il teste une nouvelle stratégie afin de réduire la consommation de chauffage l'hiver et de climatisation l'été. Ah, d'où le donc, ouais, ils veulent demander aux fonctionnaires de s'habiller de façon plus judicieuse à chaque saison, quitte à abandonner le complet cravate. Bon, moi, la première chose qui m'a marqué dans cette nouvelle, ouais. Jean-Philippe, c'est d'imaginer un Pakistanais en complet cravate. Ouais. Ben, je sais pas vous, mais moi, le Pakistan, j'imagine ça à peu près comme un tas de roches. Ah, genre ce que Curiosity a pris en photo jusqu'à maintenant. D'ailleurs, j'espère que la NASA check ses maps, parce qu'il y a rien qui dit qu'ils sont pas perdus au Pakistan en ce moment, au lieu d'être sur Mars. Tout à fait raison, Léa. Une femme qui chauffe, en plus, parce que moi, je connais ça, les femmes qui chauffent, j'ai pas le sens de l'orientation. Vous en tout cas, pas je permis. Dis ça. Oui, bon. Bref, d'imaginer des complets cravates dans ce paysage-là, je sais pas. Non, ça marche pas. De toute façon, écoute, ça m'étonnerait que ça marche. Hein, cette stratégie énergétique-là, ben, là, retirer les complets cravates aux hommes, contrôler ce qu'ils portent, imposer des règles vestimentaires à tout un sexe. Je sais pas. Je pensais pas que ça se peut. Je trouve ça gros. Non. Je comprendrais que les hommes chialent. Moi, à leur place, j'en parlerais avec ma femme. Tu sais comment c'est une femme. Hein? Oui, dans ce point-là, ouais, ça s'est s'habiller. Ben oui, c'est bon pour trancher sur ce genre de questions, sur le linge et tout ça. Ouais. En tout cas, troisièmement, un Américain a été arrêté mercredi en Floride pour importation illégale de dinosaures en provenance de Mongolie. Ça, c'est pour ça que tu m'engages, Jean-Philippe. C'est pour que je vienne parler de ce genre de choses-là. Je ne penserais pas. Mais je voudrais juste. Je voulais juste saluer le travail des douaniers qui ont eu la perspicacité de détecter que voyager avec un tyrannosaure mongol de 60 millions d'années, ben, ça pouvait être louche. Fait que travail, les gars, beau travail. Oui, ben oui, on va les féliciter. Hein, quand puis, dernièrement, bon, ouais. Là, je m'excuse d'avance pour la teneur de la nouvelle qui va suivre. Mais tu sais comment je suis, moi, Jean-Philippe, un professionnel. Donc, quand une nouvelle aboutit dans la section insolite de la presse, il faut que j'en parle. Alors. OK. Au Danemark, il y a en ce moment un concours du plus petit pénis. Je sais, c'est de même. Suis-moi, Jean-Philippe, ça va personne n'est aller. Fait que visiblement, il y a plusieurs petits pénis. C'est très... Non, mais l'Europe, c'est très austère. Ouais, c'est ça. Une coupe dans tout. Vous pouvez gagner un iPhone. Oui. Ben, moi, j'aurais trouvé ça concept de faire gagner des iPods nano, là, mais bon, qu'est-ce que tu veux? J'imagine qu'enfin se promener avec un truc lourd dans la poche, ça doit faire plaisir, tu sais, en même temps. Celui qui organise le concours est un entrepreneur de 45 ans qui veut démanteler enfin le cliché du gros pénis. Tout ce qu'il faut faire, c'est envoyer une photo de son membre à côté d'un ruban à mesurer. Pour vrai? Ouais. Bon, moi, évidemment, je ne peux pas participer parce qu'il me manque le seul attribut nécessaire. Le ruban à mesurer. Oui, le ruban à mesurer. Mais je pensais inscrire mes garçons. Ils ont 1 et 3 ans. Ah, fait ben, ils ont que, des je pense qu'ils ont des chances. Puis pour une fois que ça me rapporterait quelque chose, cette affaire-là. T'sais. Des maudits enfants. Ben, écoute, toi, t'en as pas, tu sais pas, mais ça coûte cher, des enfants. Ben, j'achète mon manger à chier. Moi, je viens ici une fois ou trois semaines. Moi, je viens ici une fois ou trois semaines. Hein. Fait que c'est pas avec ça que je les nourris. Hein. Ben, merci beaucoup, Léa. Merci. Hey, c'est déjà tout pour ce soir. Alors, on vous invite à rester à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est le cabaret de Plus on est de fous, plus on lit. Tout de suite après, c'est Bande à part animée par Alex Courteau. Et merci évidemment à toute l'équipe. Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon, Steve Côté à la console, Philippe Roberge à la musique, évidemment Jean-Sébastien Girard à la prison. Un immense merci ce soir à Louise Arel, à qui on souhaite bonne chance pour l'élection l'année prochaine. Évidemment, à Gérard Deltel, bonne chance pour l'élection l'année prochaine! Voilà. Quant à nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter, twitter.com/lasoirée. Vous nous réécoutez grâce à notre balado et écrivez-nous pour assister à notre émission jeudi prochain à 17h. C'est notre heure d'enregistrement et on reçoit Régent Tremblay et Philippe Couillard. Ouch. Ah oui, ça va être très bon! Alors, Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Merci tout le monde!